ça s'élance et ça court le 100 mètres. Ça gagne, ça s'épuise, ça finit par devenir un vieillard trop ringard qu'on oublie dans les pages d'indico où les mots viennent finir leur galop. Deux mots, ça commence par se frayer un chemin dans l'air immense où racole l'essence qui cherche une raison à saisir sur le bon qui les emmènera se faire penser tout bas. Trois mots, ça assure des arrières pour les murs qui dressent des excuses pour faire taire les pendules. Sans perdre de temps, ça essaye simplement de se croire important, quitte à être arrogant. Quatre mots, ça permet aux timides un peu muets de communiquer sans en faire des paquets. Et ça voudrait bien trouver une autre fin, tomber sur des pieds poétiquement parfaits. Cinq mots, c'est déjà trop pour monter au créneau. Dix mots pris à défaut, ça tuerait des corbeaux. Cent mots à dire tout haut, ça résonne sans écho. Mille mots quand il fait chaud, ça refroidirait plutôt. Des mots sans un accro, sans un accro, ça tisse une toile de prose dans un coin de cosmos. Ceci est une idée d'introduction. La vache, ça rend bien quoi. Attention, non c'est sérieux. Après, une fois que l'intro et le morceau parti, on fait 1, 2, 3, 1, 3 sur le morceau pour montrer que c'était le début du morceau. Ouais, parce d'accord. C'était le début du morceau et qui doit être à 3 temps. À 3 temps en fait, évidemment. C'est, parce qu'à 4 temps ça marcherait pas. C'est parti. Voilà, tu vas partir à te rendre compte tout de suite. Enfin, nous aussi, on va se rendre compte. Bah, c'est nous avec plus de. Ouais. C'est le morceau est parti en fait. Ouais. Et puis ça peut pas être du 4 temps du coup parce ouais, que non. Ça ferait 1, 2, 3, 4, mais ouais, ça non, va pas, cas, c'est, va c'est pas bon. Cœur de pierre, 7ème prise. Non, 6ème. On n'est pas à la 7ème. Non, 6ème. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez marcher. Et dis-moi quand pour l'heure ne serait-il pas l'heure de dormir. C'est vrai que ça ne doit pas aider de faire tomber tant de sourires, de se faire haïr par des grands-mères ou des genoux. Salut Lude, on pense à toi. Salut Lude, tu me manques. ABCDR en entier, avec un accent mais non, seulement jusqu'à la fin du troisième couplet. Voilà. Bon, on part pas au début des refrains couplets, c'est pour mettre dans l'ambiance quoi. Pour, ouais, pour des, coups de des coups de cymbales. D'ailleurs. C'est pour qu'on entende bien les guitares. Des coups de cymbales. dans le concert, fallait bien que je respecte mon engagement. Et donc le dernier morceau est une reprise de Jacques Brel, que tout le monde connaît à peu près, parce que c'est la plus connue. Il s'agit d'Amsterdam. Attendez, on l'a pas encore faite. C'est la belle nuit de nous. Et tu vas pouvoir commencer avec ta horde sur le dos. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit. On a... Dehors, tu vas avoir très froid. Très très froid. C'était trop fort. Non, c'était pas ça. Le truc était excellent. C'était. Ah oui, pourquoi, Oui, pourquoi dehors, tu vas avoir très froid. Très très froid. Il va falloir bien te couvrir. Ah oui, pourquoi? Tout autour de mes oublis.